بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 6 dans l'explication de la aqida des deux imams Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, mieux connu sous le nom de la aqida des Raziyin, la aqida des Raziyin, c'est-à-dire des deux Razi. Et avec le sharh de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah qui s'intitule Qurratul Aynayn. Qurratul Aynayn bi tawdih ma'ani aqidat al-Raziyin. Donc, c'est-à-dire, si on veut traduire, c'est en quelque sorte quelque chose qui se rapproche dans le sens de la perle des deux yeux dans la clarification de la croyance des deux imams, Razi, des deux Razi. On est arrivé au deuxième point qui est discuté dans l'Aqida des Raziyin, c'est au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la aqida d'Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet de l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier point dont on a parlé, c'était la question de l'Iman, la définition de la foi selon Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc le deuxième point, c'est au sujet du Coran et de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a et des Salaf al-Salih à ce sujet. Donc les deux imams, Abu Hatim et Abu Zur'a al-Razi, ils disent que leur croyance en le Coran, c'est la suivante: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. C'est-à-dire que le Coran, c'est la parole d'Allah et qui n'est pas créé dans toutes ses directions. Dans toutes ses directions, c'est-à-dire, peu importe comment il est transmis. C'est-à-dire que ce soit par la parole ou par l'écrit, la parole d'Allah, c'est la parole d'Allah. C'est-à-dire que ce qu'on récite, ce qu'on entend réciter, quand quelqu'un récite le Coran, c'est la parole d'Allah. Quand on lit dans le mushaf, ce qu'on lit, c'est la parole d'Allah. Donc tout ça, c'est la parole d'Allah et c'est pas créé, c'est pas créé. De toute façon, Cheikh, il va expliquer les détails de qu'est-ce que ça, cela signifie. Donc le Cheikh Rabi Hafizahullah, il dit: Al-Qur'an kalamullah tabaraka wa ta'ala wa an-nusus ad-dalla ala anna al-Qur'an kalamullah anna al-Qur'an kalamullah أن الله يتكلم أزلا وأبدا نصوص كثيرة وأن الله يتكلم أزلا وأبدا نصوص كثيرة لا تحصى ولا تعد إن تلوناه فهو كلام الله وإن كتبناه فهو كلام الله وإن حفظناه بصدورنا فهو كلام الله الأدوات هذه أدوات مخلوقة لكن كلام الله ليس بمخلوق تعالى الله عما يقولون عما يقول الظالمون علوا كبيرا. Donc le cheikh il explique ici, il dit que le Coran c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et les textes qui prouvent que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala parle éternellement, c'est-à-dire qu'il a toujours la capacité, il a toujours eu éternellement la capacité de parler et qu'il parle, sont des textes très nombreux, qui sont tellement nombreux qu'on ne peut même pas les calculer. Et le cheikh il dit donc que si on le récite, c'est la parole d'Allah. Si on l'écrit, c'est la parole d'Allah. Si on le mémorise dans nos poitrines, dans nos cœurs, c'est encore la parole d'Allah. Tous ces moyens par lesquels on le récite, ou on l'écrit, ou on le mémorise, ces moyens-là, ou ces choses-là par lesquelles on le fait, sont créés. Sauf que la parole d'Allah, elle n'est pas créée. Hein? Et que Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté et purifié de ce que ces injustes de ce que ces injustes disent, d'une grande élévation et d'une grande exaltation. Et le cheikh il dit ensuite fakalamullahi min sifatihi fakalamullahi min sifatihi ilmuhu wa qudratuhu wa iradatuhu subhanahu wa ta'ala wa sam'uhu wa basaruhu وكونه الخالق الرازق هذه من أسمائه وصفاته التي لا يشابهه فيها الخلق وكلام الله تبارك وتعالى يتكلم الله متى شاء كيف شاء من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف والله تكلم ويتكلم أزلا وأبدا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique ici, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, la parole fait partie de ses attributs, comme la science, sa puissance, sa volonté, subhanahu wa ta'ala, son ouïe, sa vue, hein, et le fait qu'il est le créateur, qu'il est celui qui donne la subsistance, hein, cela fait partie de ses noms et de ses attributs, et personne, aucune de ses créatures ne lui ressemble dans quoi que ce soit de ses noms et de ses attributs. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala parle quand il veut, comme il veut, sans qu'il y ait en cela aucune forme de ressemblance entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création, et sans qu'il y ait sans qu'on ait à essayer de comprendre ou d'imaginer, de poser la question au sujet du comment de sa parole, et non plus on ne fait pas de ta'til, c'est-à-dire on ne nie pas la signification de ses attributs, et on ne déforme pas non plus le sens de cet attribut-là également. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle éternellement, hein, dans le sens que il a toujours eu la capacité de parler, et il parle quand il veut et comme il veut, et il continuera toujours à parler. Et il mentionne le cheikh à ce sujet plusieurs versets, comme par exemple le verset 109 dans Sourate Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, je crois même que c'est le dernier verset dans Sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie donc à ce sujet là sa parole. Donc c'est pas le dernier verset, c'est l'avant-dernier. C'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ça c'est un exemple qu'il nous donne. Et il mentionne également, yani un exemple encore plus grand, dans Surat Luqman, le verset 27. Yani qui est encore plus fort que cet exemple-là. Et dans le verset 27, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, quand même bien, tous les arbres de la terre se changeraient en plumes pour écrire. Quand bien même l'océan serait un océan d'encre où confluerait cet autre océan, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. Hein? Donc ça c'est pour montrer hein, la grandeur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, yani bon, cheikh, juste à ce sujet ici, qu'est-ce que cheikh Rabi' Hafizahullah, qu'est-ce qu'il explique? Le cheikh Mohamed Aman Al-Jami, hein, rahimahullah, il mentionne dans l'explication qu'il a fait de yani, Al-Hamawiyya et de aussi Al-Wasitiyya, il clarifie que l'attribut de la parole, c'est un attribut de l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala et un attribut également qui fait partie des attributs de l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens que quand on dit que c'est un attribut d'être, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu cet attribut-là, c'est-à-dire cette capacité hein, de parler. Hein, et la parole, ça a toujours fait partie de son être. Sauf que c'est un attribut d'action dans le sens que il parle quand il veut, hein, et c'est un attribut donc qui est relié à sa volonté. Hein? Donc c'est une attribut d'action et c'est comme toutes les autres attributs d'action comme l'istiwa, comme al-nuzul, il le fait quand il veut. Hein? C'est relié à sa volonté. Tandis que les attributs d'être, c'est des attributs qui sont reliés à lui et qui sont toujours là, hein? Présents et éternels, qui sont toujours avec lui, comme l'attribut de la main, du visage, de la science. De la puissance et ainsi de suite, ça c'est des attributs d'être. Donc ok, après le cheikh Rabi' il dit wa anna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa hadha al-kawn as-samawat wal-ard wal-malaika wal-jinn wal-ins wal-ashjar wal-ahjar wal-bihar wal-anhar wal-hitan bi-kalamihi innama amruhu idha arada shay'an en yakula lahu kun fayakun. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cette création, les cieux, la terre, les anges, les djinns, les hommes, les arbres, les pierres, les océans, les rivières, les poissons, avec sa parole. Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ça avec sa parole. Et il mentionne le verset 82 dans Surat Yassin, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que son ordre est uniquement, lorsqu'il veut quelque chose, son ordre est uniquement qu'il lui dise « soit » et « elle est ». Hein? Donc c'est-à-dire qu'il ne fait que ordonner à cette chose d'exister et elle existe. Et il dit ensuite, le cheikh, il dit « wa hadha min al-adillati ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yatakallamu wa yaqul wa samma al-Qur'an kalamahu » وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Donc le cheikh il explique, il dit que parmi les preuves que cela fait partie des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala il parle et qu'il dit, hein, il parle et il dit des choses et il a appelé le Coran sa parole, donc il a nommé le Coran sa parole. Et la preuve, c'est dans le verset 6, dans Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et si un des mushrikin te demande ta protection, alors donne-lui cette protection jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Hein? C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il entende le Coran. Donc c'est la preuve que le Coran, c'est la parole d'Allah. Hein? Et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé sa parole. Et il dit également, Wallahu tabaraka wa ta'ala yunadi, hein? Nada Musa, إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وإذ نادى ربك موسى ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد والنداء لا يكون إلا بصوت مسموع. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala également, il mentionne dans le Coran qu'il appelle, hein, il interpelle des prophètes, il interpelle des hommes, hein, et au jour de la résurrection, il va même yani, interpeller la création. Et donc, ça c'est des exemples. Il mentionne dans le verset 16, dans Surat An-Nazi'at, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque son Seigneur l'appela, hein, son Seigneur l'appela dans la vallée sacrée qu'on appelle Toa. Et il mentionne dans le verset 10 dans Surat al-Shu'ara, lorsque ton Seigneur appela Moussa. Lorsque ton Seigneur appela Moussa. Et il mentionne le verset 48 dans Surat Fussilat, ou plutôt 47 dans Surat Fussilat, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et le jour où nous les appellerons, où sont vos associés, c'est-à-dire où sont vos associés, les choses que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala, vos idoles, où sont-ils, hein? Et ils disent, hein, nous te disons aujourd'hui, nous te faisons savoir aujourd'hui qu'il n'y a pas aucun d'entre nous qui est témoin de ça, hein, qui est témoin de ce qu'on adorait ou de ce qu'on invoquait avant, hein, sur la terre, pendant la vie. Donc il renie tout ce qu'ils adoraient auparavant. Le cheikh ensuite, maintenant, il va parler de l'exemple des gens de bid'a, parmi l'exemple des gens qui font partie des gens de l'égarement, comme ce qu'on appelle les asha'ira, hein, ceux qui nient une partie des attributs d'Allah, ou bien ceux qui nient plutôt la majorité des attributs d'Allah, excepté 7. Hein. Donc le cheikh, il dit à leur sujet, hein, au sujet de cette secte égarée, parmi les gens de bid'a, il dit wal ash'a'ira yaqulun al-Qur'an kalam Allah al-qa'im bi dhatihi laysa bi harfin wala sawt. Hakadha yaqulun. Hadha al-Qur'an bayna aydina laysa kalam Allah wa inma kalamuhu al-ma'na an-nafsi al-qa'im bi dhati Allah wa huwa al-Qur'an wa huwa at-Tawrah wa huwa al-Injil wa in 'ubbira عنه بالعبرانية صار توراة وإن عبر به أو وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا وإن عبر عنه بالعبرية أو بالعربية نعم بالعربية صار قرآنا نعم. Donc le cheikh explique, il dit les ash'a'ira, ils disent que yani cette secte égarée qui prétend suivre Abu al-Hasan al-Ash'ari, hein, qui est né en 260 de la Hijra, hein, 260 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après les 4 imams des madahib, hein, donc il est venu bien longtemps après, qui est resté pendant 40 ans dans la secte des Mu'tazila. Hein? Puis qu'après 40 ans, il a réalisé que c'était des gens d'égarement, donc il les a quittés. Il a quitté les Mu'tazila, qui nient les attributs d'Allah. Il est tombé dans une autre bid'a qui s'appelle la bid'a des Kullabiyya. Une autre tendance qui yani, affirme certains attributs et nie les autres. Donc ils affirment 7 attributs, puis ils nient les autres attributs en se basant eux aussi sur la raison ou la logique des Grecs, comme le faisaient les Jahmiyyah et les Mu'tazila. Donc il est tombé dans une bid'a moins intense ou moins grave que celle des Mu'tazila, mais quand même, si tu regardes, leur danger n'est pas moindre puisque ce sont des gens qui prétendent vouloir défendre la sunna et l'islam, puis ils tombent dans, quand même dans la négation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parfois même, comme certains ulama l'ont expliqué, que du fait même qu'ils sont plus près de la sunna que les autres, leur danger est encore plus grand, puisqu'ils représentent une shubha encore plus grande pour les gens de l'islam, pour les musulmans, que les Mu'tazila. Hein, comme Cheikh Mohamed Aman Al-Jami l'explique dans son charh de Al-Hamawiyya, il dit, yani, les Mu'tazila, ils ont nié les attributs d'Allah, puis ils nous ont laissé en paix par la suite. C'est-à-dire, on sait clairement leur position, puis c'est fini. Tandis que les Asha'ira, non. Ils affirment une partie, puis ils nient l'autre. Et la partie des attributs qu'ils affirment, ils ne l'affirment pas de la même manière que l'affirme Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et l'exemple de ça, c'est justement dans l'exemple qu'on va lire maintenant dans la parole de Cheikh Rabi', puisqu'il mentionne qu'ils affirment la parole d'Allah, mais la façon dont ils l'affirment, c'est totalement différent que l'affirmation des musulmans de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Du fait qu'eux, ils disent que le Coran, c'est la parole d'Allah qui est en lui-même, et qu'elle n'est pas composée de lettres ni de sons. Hein? Et donc, ils prétendent que le Coran qui est entre nos mains, ce n'est pas la parole d'Allah pour eux. Hein? Parce que, pour eux, la parole d'Allah, c'est la signification intérieure, hein? La signification intérieure de la parole d'Allah qui est en Allah lui-même, mais qui n'est pas audible, qui n'est pas composée de lettres. Et pour eux donc c'est ça, pour eux la parole d'Allah c'est qu'est-ce qui est en Allah lui-même et qui ne peut pas être yani, entendu. Et pour eux donc ils disent que lorsque c'est exprimé en hébreu c'est la Torah, lorsque c'est exprimé en syriaque ou en araméen c'est l'Injil, et lorsque c'est exprimé en arabe c'est le Coran. Donc ça c'est yani, les explications qu'ils donnent pour essayer de justifier leurs idées. Bien entendu c'est totalement faux, hein, dans le sens que la parole le Coran c'est la parole d'Allah, c'est pas une expression de la parole d'Allah ou une expression de la signification qui est en Allah subhanahu wa ta'ala, non. Puisque la signification de qu'est-ce qui est en quelqu'un, on n'appelle pas ça une parole. Et le cheikh il dit ensuite: "Wal Qur'anu 'indahum bi awamirihi wa nawahihi wa akhbarihi kullihi ma'nan wahid la yatajazza. Wa hadha kalamun sakhifun batilun la yaqbaluhu 'aqlun wa la shar'. Allahu yatakallamu al-kalam hadha الله يتكلم الكلام هذا كمال وفرق كبير بين المتكلم والأخرس فالأخرس ناقص والمتكلم الذي ينطقه الله يهيئ له أن يتكلم أكمل من ذلك الأخرس الناقص. Donc le cheikh il explique, il dit que pour les Asha'ira et à cause de leur bid'a, ils considèrent donc que la parole d'Allah, c'est une seule parole unique, éternelle, qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin, et qui est en Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas composée de lettres, qui n'est pas composée de sons, donc qui n'est pas audible. Et ils disent qu'elle n'est pas composée d'ordre, ni d'interdiction, ni d'information, et que c'est une seule signification qui ne se divise pas et qui est unique. Cette parole ne fait aucun sens. Hein? Ce qu'ils disent, le cheikh dit, cette parole, c'est une parole futile et fausse qu'aucune raison ne peut accepter ni aucune révélation ne peut justifier. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit qu'il parle, ça c'est une chose qui est un signe de perfection pour Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il y a une grande différence entre la personne qui a la capacité de parler et qui parle, et la personne qui est muette et qui est incapable de parler. Hein? Donc, le fait d'être muet, c'est une imperfection et une faiblesse. Hein? Tandis que la capacité de parler et de pouvoir parler, hein, lorsque Allah donne la parole à quelqu'un, il lui donne la capacité de parole et de parler, ça c'est quelque chose qui est plus parfait, qui est mieux que par rapport à celui qui est muet et qui ne peut pas parler. Donc le cheikh il dit ensuite, فَعِنْدَ أَهْلُ السُّنَّةِ الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَكَلَّمَ بِهِ تَكَلَّمَ اللَّهُ بِهِ والأدلة على أن الله يتكلم وينادي كثيرة جدا يوم ينادي ويوم يناديهم أين شركائي ينادي الله المؤمنين والكفار يوم القيامة أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وإذ نادى ربك موسى. Donc le cheikh il dit les preuves de Ahl Sunnah, hein? Les gens de Ahl Sunnah et Al-Jama'a, lorsqu'ils disent que le Coran c'est la parole d'Allah et que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, hein, ce Coran, qu'il l'a prononcé, hein, ça, les preuves à ce sujet-là, que Allah parle et que Allah appelle, sont très nombreuses. Et il mentionne encore les versets qu'il a mentionnés tout à l'heure, le verset 47 dans Surat Fussilat, le jour où il l'appelle, le jour où il les appelle, où sont? Hein? Où sont mes partenaires? Où sont mes associés? Donc il dit aux mushrikin, hein? Il demande aux mushrikin et aux kuffars au jour de la résurrection qui adoraient avec Allah des partenaires, qui adoraient des idoles, qui adoraient des prophètes et des anges et des saints et des tombes, hein? Il va leur demander où sont mes partenaires que vous prétendiez, hein? Que j'avais dans l'adoration, où sont-ils? Et ils disent, hein? Nous il n'y a pas de témoin parmi nous à ce sujet-là. Personne d'entre nous ne témoigne de cela. Hein? Ils reviennent sur leur position et sur leur shirk. Parce qu'ils constatent qu'ils ne peuvent pas supporter leurs prétentions ce jour-là, hein? Au jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 10, dans Surat Ash-Shu'ara, وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى. Lorsque ton Seigneur appela Moussa, hein? Il s'adressa à Moïse, hein? Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à Moïse, à Moussa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça, c'est en disant que ton Seigneur appela Moussa. Et lorsque ton Seigneur appela Moussa, wa akhbara Allah annahu najahu wa annahu nadahu fi ayatin min al-Qur'an al-Karim wa fi al-ayat al-ukhra qala Allah والله يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى فهذه الأقوال الواردة في القرآن تنص على أن الله يقول وأنه يتكلم وأنه تكلم بهذا القرآن وأن هذا القرآن منزل منه تنزيل من حكيم حميد ابتداء هذا الكلام من الله تبارك وتعالى أوحاه إلى جبريل وجبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأهل الأهواء لهم ضلالات ولهم مخالفات ومصادمات مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique ici, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe qu'il a appelé Moïse. Et qu'il l'a appelé, ça c'est mentionné dans plusieurs versets dans le Coran. Hein? Et dans plusieurs versets ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne et il dit, et Allah dit la vérité et c'est lui qui guide sur le chemin. Hein? Dans le verset 4, dans Surat al-Ahzab, Wallahu yaqulu al-haq, Allah dit la vérité. Donc ça, c'est des paroles qui sont mentionnées dans le Coran qui indiquent textuellement et explicitement que Allah subhanahu wa ta'ala dit des choses, hein, et qu'il parle, et que yani il a parlé ce Coran, il a prononcé ce Coran, et que ce Coran est révélé de sa part et qu'il vient de lui, il a été révélé de lui puisque c'est une révélation d'Allah, hein, qu'il a fait descendre. Et il mentionne le verset 42 dans Surat Fussilat, dans lequel il mentionne et il dit tanzilun min hakimin hamid, c'est-à-dire c'est une révélation de la part du sage digne de louange. Et le cheikh il dit que le début de cette parole c'est celui qui a commencé et débuté cette parole, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a prononcé en premier. Et il l'a révélé à Jibril. Hein? Il l'a fait entendre à Jibril. Puis Jibril l'a transmise, cette parole, il l'a transmise ensuite à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tandis que les gens de passion, eux, ils ont des égarements et ils ont des contradictions et des oppositions avec le livre d'Allah et avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils opposent et ils contredisent ces éléments-là de façon directe. Allah al-musta'an. Cheikh Rabi' rahafidhahullah, il dit ensuite: والله تبارك وتعالى وفق أهل السنة والجماعة للحق والصواب في كل هذه المجالات التي يحصل فيها الاختلاف لأنهم تمسكوا بكتاب الله بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وهم يعتقدون أن كلام الله حق ولا يقول الله إلا الحق وأن كلام رسول الله حق وأنه لا يقول إلا الحق فكيف بالذي يعتقد أن القرآن ليس بكلام الله يعتقد أنه مخلوق. Donc le cheikh il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné le succès aux gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, d'être sur la vérité. Il leur a donné le succès d'être sur la vérité et d'être sur ce qui est correct dans tous ces différents aspects, dans toutes ces différentes catégories des éléments de la foi et de la croyance. Dans toutes les choses sur lesquelles ces gens-là ont divergé et les gens de Bid'a se sont égarés. Parce qu'ils se sont accrochés au livre de leur Seigneur et ils se sont accrochés à la sunna de leur messager, de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il croit avec conviction que la parole d'Allah est véridique, est vérité, et que Allah subhanahu wa ta'ala ne dit rien excepté la vérité, et que la parole du messager d'Allah est vérité, et que il ne dit que la vérité. Alors que dire de celui qui croit que le Coran n'est pas la parole d'Allah et qui croit que cette parole est créée? Ça c'est grave. A'udhu billah. Donc le cheikh il dit ensuite: المعتزلة يقولون القرآن مخلوق والكلام الذي سمعه موسى إنما سمعه من الشجرة خلقه الله في الشجرة ليس كلام الله كلام الله كله سابقا وأزلا كله مخلوق قبحهم الله وهذا من الافتراء على الله والقول على الله بغير علم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Donc le cheikh il dit que les Mu'tazila, les gens de Bid'a parmi les Mu'tazila, une secte qui est apparue, et le fondateur de cette secte, les ulama mentionnent que c'était Wasil ibn Atta, celui qui s'est écarté du dars de Al-Hassan al-Basri dans la mosquée, parce qu'il a ramené une bid'a, et parce que l'imam Al-Hassan al-Basri n'était pas d'accord avec lui, il s'est écarté de son dars. Allah al-musta'an. Et il a ramené sa propre bid'a. Et il a été rejoint par la suite par Amr ibn Ubayd. Et donc ça c'est des gens qui croient que le Coran est créé, que c'est pas la parole d'Allah vraiment, que c'est créé. Et donc, ils disent quoi? Ils disent que le Coran est créé et que la parole que Moussa alayhi salam a entendue de l'arbre, c'est pas la parole d'Allah, c'est une parole que Allah a créée dans l'arbre et non la parole d'Allah. Et pour eux, toute la parole d'Allah, que ce soit la parole précédente ou la parole éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça pour eux c'est créé, que Allah les maudisse. Et ça, c'est clair que c'est un mensonge contre Allah et de parler ou de dire à propos d'Allah des choses sans science. Ça fait partie de parler à propos d'Allah sans science. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le fait de parler de lui sans science comme étant plus grave même que le shirk. Hein? Comme il mentionne dans le verset 33, dans surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala dit: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Dit: certes, mon Seigneur a uniquement interdit, hein, mon Seigneur a uniquement interdit les turpitudes, les gros péchés, hein, les péchés laids, ce qui en est apparent et caché, et ainsi que le péché, la transgression sans droit ou la transgression injuste. Et également que les gens associent avec Allah, hein, que vous associez avec Allah, ce au sujet de quoi il n'a donné aucune preuve, et bien entendu, tout ce qui peut être associé à Allah, il n'y aura jamais de preuve à son sujet, hein, mais c'est juste pour confirmer. وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et après avoir mentionné l'exemple du shirk, du fait d'associer avec Allah, il mentionne et il dit: et que vous disiez à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc il l'a classé en ordre de, il y en a d'importance. Il a mentionné le shirk, les péchés, après il a mentionné le shirk, et après il a mentionné le fait de dire à propos d'Allah des choses sans science, pour montrer la gravité du fait de parler à propos d'Allah sans science. Et que parfois même, en fait, les ulama, ils disent souvent que tout ce qui est arrivé comme shirk dans le monde, c'était parce que des hommes ont dit des choses à propos d'Allah sans science, et c'est ça qui les a amenés à tomber dans le shirk. Allah al-musta'an. Wal al-hasil anna ahl as-sunnah yaqulun al-Qur'an kalamullah subhanahu wa ta'ala ghayr makhluq. Imtahinu fi dhalik mihnatan shadidatan في أيام المأمون والمعتصم والواثق من خلفاء العباسيين. امتحنوا محنة شديدة أو امتحنوا محنة شديدة لأن الجهمية والمعتزلة تغلبوا على هذه الدولة واستولوا فيها على المناصب في عهد المأمون والمعتصم والواثق. فكانت الكلمة الأولى والأخيرة لهم، فتسلطوا على أهل السنة وطلبوا منهم أن يقولوا أن إن القرآن مخلوق، فألزموهم إلزاما ولم يقل القرآن مخلوق، يفصل يعني، ومن لم يقل القرآن مخلوق يفصل من وظيفته إذا كان موظفا، وإذا كان أسيرا ذهب يجاهد في سبيل الله وأسر لا يفك الأسر عنه إلا إذا قال القرآن مخلوق. فإذا لم يقل هذا الباطل تركوه، فإذا لم يقل هذا الباطل تركوه في أسر الكفار ولاحقوهم وقتلوا بعضهم وسجنوا بعضهم وفعلوا بهم الأفاعيل. Donc le cheikh, il explique la fitna qui est arrivée par rapport à cette question de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la bid'a que les Mu'tazila ont ramené en disant que le Coran n'est pas créé. Ils ont fait de ça une grosse fitna, et ils en ont même fait une question d'inquisition, pour forcer tout le monde à croire en cette croyance qui est totalement fausse, mais ils ont essayé de l'imposer par la force, Donc, l'idée que yani, le Coran est la parole d'Allah et qu'elle n'est pas créée, hein, il y a des gens qui ont été éprouvés par cette question-là et il y a eu une grande épreuve à l'époque des trois khulafa de Bani al-Abbas, les khulafa al-Abbasiyin, à l'époque des Abbasides, à l'époque des trois khulafa al-Ma'moun, al-Mu'tasim et al-Wathiq. Donc ces trois khulafa se sont succédés et ils ont été parmi ceux qui ont été affectés par la croyance des Mu'tazila, hein, à cause de leur égarement, de leur amour de la philosophie et de ces choses-là. Donc ils ont été influencés par ces idées-là, malheureusement. Et donc, le Cheikh Rabi, il dit qu'il y a eu une grande épreuve à cette époque-là et une grande inquisition. Et les Jahmiyyah et les Mu'tazila ont réussi à prendre le dessus sur l'État à ce moment-là et à prendre les postes les plus importants à l'époque de Al-Ma'moun, de Al-Mu'tasim et de Al-Wathiq, les trois khulafa. Donc eux, ils ont rapproché les Mu'tazila et ils ont mis dans tous les postes importants les juges et etc. et en est de la société des Jahmiyyah et des Mu'tazila pour juger et pour imposer à tout le monde leurs croyances. Et donc, c'est eux qui avaient le premier et le dernier mot dans la société, dans toutes les questions religieuses. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient, hein? Ils les mettaient au-dessus des gens de la Sunna. Et ils essayaient d'imposer aux gens de la Sunna leur position au sujet du Coran et de les forcer à dire que le Coran est créé. Et ils leur imposaient ça. Comme par exemple, celui qui ne disait pas que le Coran est créé, il était par exemple renvoyé de son poste. Si c'est quelqu'un qui travaillait dans l'État, hein, s'il n'acceptait pas de dire que le Coran est créé, on le renvoyait. Il ne pouvait plus travailler dans son travail. S'il était par exemple un prisonnier qui était parti faire le djihad fisabilillah et qui a été pris prisonnier chez les ennemis, chez les koufars, eh bien, si on offrait de les délivrer, eh bien, ils ne les délivraient pas ou ils n'acceptaient pas de les délivrer, excepté à condition qu'ils disent que le Coran est créé. S'ils disaient que le Coran est créé, là, ils les laissaient libres. Hein, ils les délivraient de chez les koufars. Sinon, ils les abandonnaient aux koufars, ou bien ils tuaient certains d'entre eux, ou bien ils mettaient d'autres en prison. C'est ça qui est arrivé à l'époque et c'était très très grave. Le cheikh il dit لكن الإمام أحمد رحمه الله ووفقه الله تبارك وتعالى ويعني وفقه الله وثبته فلم يقل الباطل أبدا ولم يتزحزح عن كلمة الحق وكانوا يناظرونه فيقول ائتوني بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يستطيعون أن يأتوا بدليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله أن القرآن مخلوق ويحاجيهم ويدمغهم بالحجج والبراهين من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit que l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le succès, il l'a raffermi sur la vérité, alors il n'a jamais dit le faux, il n'a jamais dit ce qui était faux et il n'a jamais été secoué dans la parole par rapport à la parole de vérité, et même que il est resté ferme et il a débattu avec eux. Et à chaque fois qu'ils venaient vers lui pour débattre, l'imam Ahmad leur disait, si vous voulez que je dise que le Coran est créé, ramenez-moi une preuve, soit du Coran ou soit de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et puis je vais le dire. Mais il n'était bien entendu pas capable, hein, du tout de ramener une seule preuve du livre d'Allah ni de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour dire que le Coran est créé. Et donc, il argumentait contre eux et il détruisait leurs faux arguments, hein, et les arguments et les preuves qu'ils essayaient de ramener, ils les détruisaient par le Coran et par la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Cheikh, Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit: wa nadharahum fi hadha sahib al-hayda Abdul Aziz al-Kinani wa afhamahum عالم اسمه عبد الله ونظرهم عالم اسمه عبد الله ابن محمد الأزرمي وأفحمهم ثم بعد ذلك أطفئت هذه الفتنة في أيام المتوكل على الله الخليفة العباسي رحمه الله وجزاه الله أحسن الجزاء أطفأ هذه الفتنة الجهمية الاعتزالية ونصر السنة ورفع رايتها وأعز الله أهل السنة بقمعه لأهل الباطل رحمه الله. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit qu'il y a d'autres savants également qui ont débattu contre les Jahmiyyah et les Mu'tazila et qui les a complètement réfutés. Par exemple, Abdul Aziz al-Kinani, celui qui a écrit le livre qu'on appelle Al-Hayda, hein, dedans il y a le débat qu'il a eu avec les Mu'tazila, et il montre comment il les a réfutés et détruits complètement. Et il y a le Cheikh Dr Ali ibn Muhammad ibn Nasir al-Faqihi, hafidhahullah, qui a fait le tahqiq du livre Al-Hayda et qui a confirmé que la version du livre qui est publié actuellement, qui existe, qu'elle est réellement de lui, c'est-à-dire réellement écrit par l'imam al-Kinani, et il a réfuté ceux qui essayaient d'émettre des doutes sur cela, et tu ne trouveras pas de réfutation à ce sujet-là meilleur que ce que tu trouves dans le tahqiq de Cheikh Mohammed. Le Cheikh Ali ibn Muhammad ibn Nasir al-Faqihi. Donc vous pouvez retourner à cette édition là et le Cheikh il dit aussi ensuite que il y a un autre savant qui s'appelle Abdullah ibn Muhammad al-Azrami qui lui aussi a débattu contre les Jahmiyyah et les Mu'tazila à l'époque et qui les a réfutés complètement et grillés complètement. Puis, alhamdoulillah, par la suite, cette fitna a été éteinte à l'époque de Al-Mutawakkil al-Allah, yani le khalifa suivant, le khalifa suivant de Al-Dawla al-Abbasiyya. Et donc, Allah le récompense de la meilleure récompense. Il a fait cesser cette fitna qui a été ramenée par les Jahmiyyah et les Mu'tazila. Et il a donné la victoire, il a défendu la sunna, et il a élevé la bannière de la sunna, et Allah subhanahu wa ta'ala a redonné la puissance et la force et l'honneur aux gens de la sunna par l'écrasement qu'il a fait des gens de la fausseté. Rahimahullah. Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit ensuite: والأشعرية والكلابية يقولون القرآن كلام الله ولكن ما هو هذا القرآن يقولون المعنى النفسي القائم بذات الله ليس بحرف ولا صوت وهذا كلام باطل يرده كتاب الله وسنة رسول الله وسنة الرسول كما ذكرت لكم أن الله يتكلم وما زال يتكلم والأدلة على ذلك كثيرة ومنه كلامه تعالى القرآن الكريم وأنه تنزيل منه سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Donc le Cheikh, Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit que en ce qui concerne la secte des Ash'ariyah Al-Kullabi et des Kullabiya, ceux qui disent que, hein, comme on a dit tout à l'heure, là, ils disent le Coran c'est la parole d'Allah, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent que le Coran est la parole d'Allah? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et donc ça c'est une forme de talbis de la part de ces gens-là, puisque comme on a dit tout à l'heure, ils nient la majorité des attributs d'Allah excepté sept, et parmi ces sept, ils affirment la parole d'Allah, et ils disent que le Coran est la parole d'Allah, sauf que pour eux, qu'est-ce que c'est la parole d'Allah? Hein? Les sept attributs qu'ils affirment, ils ne les affirment pas à la manière d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils disent que pour eux, le Coran, c'est la signification qui est, hein, en Allah, en son être. Et c'est une signification qui n'est pas composée de lettres ni de sons, hein, qui ne peut pas être entendue. Et donc, ils disent donc qu'elle n'est pas composée de lettres ni de sons. Il n'y a pas de, dans cette parole pour eux, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'information, c'est une seule parole éternelle qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin, qui ne commence pas et qui ne termine jamais. Donc ça c'est bien entendu une signification qui n'a pas de sens et qui est complètement contraire à ce qui est dans le Coran, puisque on voit dans le Coran, quand on lit le Coran, qu'il y a des lettres et que quand on récite ces lettres, quand on les lit, hein, il y a des sons à ces lettres, et qu'il y a dedans des ordres et il y a des interdictions et il y a des différents éléments qui comprennent ou qui composent cette parole. Et donc ça c'est la preuve que yani, la position qu'ils ont par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est fausse. ومنه كلامه تعالى. Et donc il dit, cette parole qu'ils ont est une parole qui est totalement fausse, qui est réfutée par le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme je vous ai mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala parle et qu'il continue de parler, et les preuves à ce sujet-là sont nombreuses, et parmi cela il y a dans le Coran, la parole ou le verset dans lequel il mentionne que elle est révélée de sa part. C'est-à-dire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est révélée, le Coran est révélé de sa part, et que le faux, hein, ne peut l'atteindre ni par devant ni par derrière, et que c'est une révélation d'un sage digne de louange. Comme c'est mentionné dans le verset 42 dans Sourate Fussilat. Naam. Donc, alhamdoulilah, on vient de compléter cette partie du livre qui parle de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est et que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reste à dire juste un point par rapport à la question des, comme on a dit, de Abu al-Hasan al-Ash'ari, qu'il est né en 260, qu'il est mort plus tard, mais que 40 ans après sa naissance, après avoir passé 40 ans dans la croyance des Mu'tazila, il est revenu de cette bid'a vers une autre bid'a qui est la bid'a des Kullabiyya, hein, qui affirme cet attribut mais qui nie les autres. Mais par la suite, plus tard, il s'est repenti de cette position-là également, et il a découvert la position, il a trouvé la position des Salaf al-Salih et la aqida de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et il est revenu, hein, à la fin de sa vie, et il a écrit à ce sujet-là deux livres, le premier Al-Ibana, An Usul al-Diyana, et l'autre Aqida de l'Islamiyin, dans lequel il affirme que la position des Salaf c'est la vérité. Et certains ulama ont mentionné que même dans ces livres-là, il y a encore certaines erreurs et certaines fautes, mais de façon générale, il mentionne et il affirme les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont niés par les Kullabiyya. Et donc c'est juste pour dire que à la fin de sa vie, il s'est repenti donc de cette voie-là. Malheureusement, les Asha'ira aujourd'hui et les Maturidiyya également, et ceux qui les suivent comme les Ahbash aujourd'hui, ils ne suivent pas la dernière position de l'imam Abu al-Hasan ou de Abu al-Hassan al-Ash'ari, mais ils suivent plutôt la période intermédiaire avant, yani après qu'il ait quitté les Mu'tazila et avant qu'il ait découvert la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc on va s'arrêter ici et puis on va continuer après le cours inshallah, c'est-à-dire le prochain cours on continuera inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.